Malheureuse. Je suis jalouse. Il me manquait cela pour me faire haïr. Mais qu'as-tu fait? Pourquoi te détruire, triste ouvrage de mes mains? Il n'y a pas de ta faute. Tu attendais, tu espérais aussi. Tes fraîches couleurs n'ont point pâli durant cet entretien cruel. Oh, tu me plais. Je sens que je t'aime. Dans ce petit réseau fragile, il y a 15 jours de ma vie. Oh non, non, la main qui t'a faite ne te tuera pas. Je veux te conserver, je veux t'achever. Tu seras pour moi une relique et je te porterai sur mon cœur. Tu m'y feras en même temps du bien et du mal. Tu me rappelleras mon amour pour lui, son oubli, ses caprices. Et qui sait, caché à cette place, il reviendra peut-être t'y chercher. Personne nulle part, qu'est-ce que ça veut dire? On entre ici comme dans un moulin. Madame de Léry! Ah, oh, bonsoir, chère. Pas de domestique chez vous, je cours partout pour trouver quelqu'un. Oh, je suis rompue. Débarrassez-vous de vos fourrures. Oh, tout à l'heure, je suis gelée. Aimez-vous ce renard-là? On dit que c'est de la martre d'Éthiopie, je ne sais quoi. C'est Monsieur de Léry qui me l'a apporté de Hollande. Moi, je trouve ça laid, franchement. Je le porterai 3 fois par politesse et puis je le donnerai à Ursule. Une femme de chambre, on ne peut pas mettre cela. Non, c'est vrai. Je m'en ferai un petit tapis. Eh bien, ce bal était-il beau? Oh mon Dieu, ce bal! Mais je n'en reviens pas! Vous ne croiriez jamais ce qui m'arrive. Vous n'y êtes donc pas allée? Si fait, j'y suis allée, mais je n'y suis pas entrée. Oh, c'est à mourir de rire. Figurez-vous une queue. Ces choses-là vous font-elles peur à vous? Mais oui, je n'aime pas les embarras de voiture. C'est désolant quand on est seul. J'avais beau crier au cocher d'avancer, il ne bougeait pas. J'étais d'une colère. J'avais envie de monter sur le siège. Je vous réponds bien que j'aurais coupé leur queue. Mais c'est si bête d'être là en toilette vis-à-vis d'un carreau mouillé. Car avec cela, il pleut à verse. Je me suis divertie une demi-heure à voir patauger les passants, et puis j'ai dit de retourner. Voilà mon bal. Ah, ce feu me fait un plaisir. Je me sens renaître.